départ, t'es chaud, le Mayana. Si j'arrive avec une clope, négro, allume le fire. Si j'arrive avec une salope, négro, sors ta casa. Barbo di casa, le hood de compagnon. On représente tous les cafés chauds, le Mayana. Ouais, fait bête, ma flouche, t'as Harry Crush. Ouais, c'est ça, prends tes clics, t'es ça. Puis retourne à Mayotte, m'a répondu la prod, Faranza. Envoyé pour un avenir, des Wamina pour Gaza. Ma chaque à son avenir, remets-toi un peu dessus. Comme des gouttes de pluie, d'agonie cap baba. Donc, Wami Deli, papa, pointe ses chiens à mode, qu'un ratiste, un béa, contre personne, souria. Maman, si t'as un billa, la cause m'est ta billa. On pousse le coup de tibia que je mettais pour des pessas. Ami, phare de voir des souvenirs. J'en veux au père, il va tous le souci venir. J'suis natique pour des sous, prêt à tout, mais j'irai pas jusqu'à baisser sur bête au genou. Trop de fierté, et ça à la muerte. Voilà ce que j'ai retenu, mon passage à Vénissieux. Si j'arrive avec une clope négro, allume le fire. Si j'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, et vous tout au fire. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana. Si j'arrive avec une clope négro, allume le fire. Si j'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, et vous tout au fire. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana. Tout faire fort, c'est m'avancer. Quand faire la guerre, de pas tout chercher la merde. Je ne nierai pas sur la vie de ma mère. Je mentirai pas, mais pour mentir et mentir, le seul choix à faire. J'ai la casse, mis à part, comme une voiture à la casse. Donc obligé, commettre l'illégal pour quelques liens. C'est ce qu'a pas de nocturne. Arraché, pour les feux que tu j'avoue, assure. Elle est faite par la violence et la haine qu'aux parents. La comète apporte de bonheur, je la voyais tous les ans. À l'école, paumé, nommé, elle est passage. T'es délivré que de passage, qui coptage, vous voulez t'avoir ton passage. Et puis boîte, je m'en bats les couilles de partout, moi je veux te fouiller, dépouiller les flics à mettre fous qui saillent se faire foutre. Le tapot à quatre avant si tu fais ça croissant avant la France. Si j'arrive avec une clope négro, allume le fire. Si j'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, et vous tout au fire. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana. Si j'arrive avec une clope négro, allume le fire. Si j'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, et vous tout au fire. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana. J'arrive avec une clope négro, allume le fire. J'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, mais où Joko Fania. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana. J'arrive avec une clope négro, allume le fire. J'arrive avec une salope négro, sors la casa. Afro di casa, mais où Joko Fania. On représente tous les quartiers chauds, le Mayana.